Daniel, je sais pourquoi. Chapitre 3. Rencontre avec mon guide. L'atmosphère devint humide, l'ambiance caverneuse, sombre, intrigante. Je me sentais oppressée, comme dans l'attente d'un jugement, d'une éventuelle punition. L'humidité devenait presque gluante, mes mouvements relatifs étaient absorbés par un contact moulant. Mes jambes se faisaient lourdes à bouger. Tout ceci dans le noir complet, avec comme seul repère visuel un petit point blanc, une sorte d'étoile dans un ciel noir ébène. Cette impression d'humidité m'inquiétait, mais ne m'indisposait pas. Je ne pouvais toutefois la palper, ne possédant en ces instants ni la mesure de mes bras, ni celle de mes mains. Je continuais à m'interroger, vivant ces événements successifs comme le spectateur abusé, attendant avec résignation la fin d'un mauvais spectacle. La voix chaleureuse que j'avais rejetée ne résonnait plus en mon fort intérieur. D'ailleurs, aucune autre ne venait m'interpeller ou me suggérer quelque chose. Alors, je me souvins ce que disait cet inconnu, comme je le définissais. Un aéroport, des avions, 2 siècles de vie enlevée, tout ceci devenait inextricable. L'ambiance de cette situation n'était pas cependant dépourvue de sons et des grésillements, puis des clapotis retentissaient de part et d'autre, accompagnant les frissons de mon corps à la manière de petites décharges électriques. Où étais-je encore? Que faisais-je et qui étais-je? Où était le petit garçon? Étais-je seulement un homme? Une chose vivante? Je perdais tout sens de la réalité objective et des dimensions. Je ne pouvais situer mon esprit ni mon corps. Je reconnaissais mes pensées comme miennes, mais pas les réactions de mon corps. Avais-je encore des extrémités? Plus le temps passait, du moins celui que je jugeais bon, plus mon intellect s'élargissait. Je me parlais à moi-même. Comment puis-je penser ainsi? Mon aptitude à raisonner ressemblait à celle que j'avais vivant, mais ici, je me sentais plus disposée au recueillement. C'est alors qu'au fur et à mesure du déferlement de mes pensées, la petite étoile scintillante se mit à grossir. En fait, elle descendait vers moi, émettant une large lumière. Cette dernière éclairait les parois de cet étrange endroit. La lumière épousait le mur cylindrique de la pièce. Celui-ci était marron, comme sali par des taches brunes et écumantes. Une mousse blanchâtre m'apparut. La lumière descendait, descendait, me montrant l'aspect de cette cave. Je fixai la lueur, elle s'arrêta juste au-dessus de ma tête. Rien, aucune chose ne la retenait ou la suspendait. Sa blancheur était pure et je pouvais voir à travers. Un léger sifflement s'en dégageait. Mon attention sur cette lumière dura un moment, puis je profitai de la lumière ainsi dégagée pour étendre mon regard sur l'endroit où je me sentais prisonnier. Une image d'horreur, ou plutôt de répugnance, s'offrit à moi. Depuis ma taille jusqu'au périmètre de la pièce s'étendait une membrane visqueuse et veineuse, réagissant à mes pensées, se tordant à mon horreur. De très fins courants bleus parcouraient rapidement sa surface en suivant de gros vaisseaux bleu foncé presque noirs. Je n'avais pas de jambes, j'étais dans l'incapacité de voir le reste de mon buste, ni mes bras. Je ne voyais que cette affreuse méduse qui ne pouvait être mon corps. Dans mon désarroi, la voix de l'inconnu revint et me dit « Frère, ne t'effraie pas et abandonne cette vision. Tu es ici en chirurgie réparatrice et ton niveau d'éveil spirituel ne te montre que les coulisses et les entrecoupes de cette aide mal comprise. Cette situation émotionnelle n'est pas la seule représentation de ton passage. Tu subis la rémanence d'une action qui ne possède aucune densité dans le temps. Interroge-toi et accepte ma voix. Demande ta reconnaissance et ton identification. Envie ton esprit et refuse les événements funestes. » Les cliquetis humides redoublèrent alors et un tourbillon m'envahit. Au centre du tourbillon qui m'emportait, la lumière s'élevait et m'arrachait à mes sens. L'éclair m'aveugla, s'introduisit en moi, puis s'estompa. Je distinguais à ce moment un visage et une silhouette. Elle s'approcha et j'y perçus un visage angélique. Quelle beauté ! Un éclat merveilleux ! Ses yeux étaient doux et profonds, sa bouche fine et gracieuse. Il n'avait pas de cheveux, pas de poils ni de forme définie, juste un point jaune et irradiant placé à l'endroit du cœur, doué de mouvements irréguliers. Je sentais en moi une paix candide. Plus d'humidité, ni d'angoisse, mais une chaleur réconfortante et réparatrice. Sa voix continuait à remplir mon entendement. « Je suis ton guide spirituel, Daniel. Je suis chargé de t'expliquer la vie, l'éternité et l'amour. » Son sourire me détendit et me fit frissonner. Une sensation ascensionnelle me bouscula alors et je découvris bientôt une large vallée d'où s'élevait un immense dôme. Nous étions situés au-dessus et le guide me dit « Tu es ici dans l'astral terrien et cette géode est un centre de réhabilitation. Acceptes-tu de m'y suivre ?» Mon « oui » pensée me transporta dans une seconde petite pièce où enfin je pus me voir. J'étais devant un miroir et contemplais mon image. J'étais un homme d'âge mûr, portant la barbe et tenant en main un livre, la raison de mon épreuve. Ressentant soudain la main de mon guide sur mon épaule, mon image reflétée laissait place à celle d'une petite fille marchant dans un grand endroit au sol jonché de galets, soudé par un ciment. L'endroit était faiblement éclairé par la lumière du jour qui passait par d'étroits orifices dans le mur, faisant office de fenêtre. Celle-ci était ornée par des vitraux de plusieurs couleurs, donnant à l'atmosphère de la pièce une certaine magie. Les rayons bleus, rouges et verts venaient friser les plis de la lourde robe en velours pourpre de la fillette. Cette dernière était serrée dans un bustier parsemé de plusieurs morceaux d'acier de forme ronde. Ils étaient cousus avec du coton, par une maille proche de celle des filets de pêche. Sa tête était enroulée par un tissu blanc, d'où s'échappait par derrière une chevelure blonde. Avec un pas léger, la fillette s'avançait vers un coffre de bois situé en dessous d'une fenêtre plus grande que les autres. Elle en sortait des étoffes et des jouets en bois, une petite roue surmontée d'une fourche qu'elle faisait rouler à terre. Le son se joignait à cette vision étonnante. J'entendis le bruit de la roue sur les galets du sol, mais aussi les rires d'hommes, non loin de là. Puis, une porte que je n'avais pas perçue s'ouvrit sur cette scène. La silhouette d'un homme apparut à l'encoignure de la porte. Je pouvais le voir tout aussi bien que la fillette. Il avait les cheveux rasés, laissant apparaître une large cicatrice sur le haut du crâne. Celle-ci était boursouflée et rougeâtre. Sa moustache était noire, tout comme ses épais sourcils qui dessinaient un trait sur toute la base du front. Il avait un nez assez long et légèrement courbé. Ses yeux étaient vifs et cruels. Il était habillé d'une culotte bouffante, portant la fraise et la cape. De sa ceinture pendait une dague où scintillaient quelques brillants. Ses collants noirs laissaient deviner la musculature puissante de ses jambes, se terminant par de grands pieds engoncés dans des chaussures ridicules, à mon sens. C'est alors que la scène que j'observais prit une tournure inquiétante. L'homme agrippa la fillette par le bras et l'emmena brusquement vers la porte grande ouverte qui débouchait sur une seconde pièce. La fillette était soulevée de terre par les secousses alternatives de la marche décidée de l'homme. Elle gémissait. Le cadre de cette scène suivit l'action. Il passa le seuil de la grande porte rectangulaire tapissée de clous acérés. Nous nous retrouvâmes dans une sorte de cour intérieure où attendaient quatre hommes à moitié dévêtus. Un bassin crevait le sol, des hommes étaient allongés au bord, avec à leur côté quelques plats de nourriture et des cruches de vin. Leur rire qui résonnait en moi découvrait des dents salies par quelques restes d'épices et d'herbes agrémentant la volaille qu'ils déchiraient avec appétit. L'homme lâcha la fillette, celle-ci restant là, debout, sans rien dire, sans faire aucun geste. Les autres continuaient leurs rires et exclamations en les accompagnant de gestes obscènes et disgracieux. L'homme, aux fiers atours, quitta l'endroit, laissant la jeune fille seule et irrémédiablement absente. Les hommes ôtèrent leur linge et se laissèrent glisser dans l'eau. Leurs voix s'élevèrent et une angoisse envahit mon esprit. « Viens, disait-il, n'aie pas peur, continuèrent-ils, scrutant la jeune fille d'un regard intéressé et sournois. Puis leur rictus laissa deviner le pire. La fillette se dévêtit, aidée par une autre femme, finissant par se retrouver entièrement nue. Elle s'assit ensuite sur une large couette et, résignée, mangea les quelques raisins qui se trouvaient près d'elle dans un large plat d'argent incrusté d'émeraudes. Un des quatre hommes sortit alors du bassin et vint s'allonger sur la jeune fille. Elle ne pouvait avoir plus de 10 années. La scène me dégoûtait et commençait à se brouiller. J'aperçus ensuite notre premier homme. Il était assis derrière un grand bureau éclairé par quelques chandelles. Il lisait. L'image du miroir, devant laquelle je restais sans réaction, hébété, se mit à grossir sur le visage penché de cet homme, et là, stupeur, je me reconnus. Sans savoir comment ni pourquoi, je sus que cet individu infâme qui avait livré à des pervers une jeune fille, c'était moi, assis, là, impassible, écoutant sans réagir les cris et râlements de cet enfant écartelé et sali par des brutes aux appétits sexuels démoniaques. La voix de mon guide me dit soudain « Oui, tu étais cet homme, lors d'une de tes dernières incarnations. Tu commettais d'horribles choses, tu étais gratifié par les tiens et soutenu par l'empire de l'argent. » L'inexplicable miroir me montra ensuite la fillette et plus exactement son visage. C'est alors qu'en superposition, j'y vis apparaître le visage de ma mère. La voix de mon guide reprit. « Voici ta mère, elle était ta fille que tu prostituais. Elle montre ici une image de souffrance et de vengeance. C'en était trop. Mais qu'était-ce que ce subterfuge de mauvais goût? Où tout ceci pouvait-il m'emmener? Pourquoi ce jeu de rôle insensé? Les vies passées? Tout cela était complètement démentiel. Avoir déjà vécu sur terre dans un autre corps, un autre pays? Non, je n'étais mort qu'une fois et entre les doigts de ma mère. » La voix de mon guide reprit. L'homme qui avait l'habitude d'abuser de cette victime était ton père, mort décapité. Comprends-tu la justice de Dieu ? Non, non, rétorquai-je. Enlevez-moi d'ici, aidez-moi, arrêtez de me torturer, qui que vous soyez. Ceci est un mensonge et je ne me laisserai pas abuser. Pourquoi ces menaces ? Je n'ai rien à donner ni à voler, laissez-moi. Le miroir disparut, ainsi que la pièce dans laquelle je me trouvais, me laissant dans une atmosphère bleue où j'entendis bientôt le ricanement de ma mère. « Je t'ai tué, sois maudit, je te hais, te voilà en enfer. » Ces paroles effrayantes m'atterraient, j'étais dans un état difficilement explicable. Mon guide m'apparut et me dit « Vois-tu, Daniel, les événements que tu vis et leur teneur sont relatifs à ton esprit et évolution. Tout ce que tu verras des mondes et des choses ne seront pas définis par une constitution pondérable telle que tu l'imagines, mais reproduites et formulées dans un schéma intemporel égal à l'éveil de ta conscience. » Reprends-toi, ou bien attends-toi à vivre les pires tourments. Nous voulons ton soulagement, mais ton orgueil te pousse à l'errance. »